Hello, this is a show from Radia. We are a group of stations bringing new and forgotten way of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio across Europe and beyond. Bonjour. Bonjour madame. Oh, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ah bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Oui. Bonjour monsieur. Allô. Porte à porte sonore. Un projet radiophonique de Jonathan Frigeri et Maxime Lacombe. Bonjour. Bonjour. Dites-moi. Oui. Tu dis ? Vas-y, je dis. Bonjour. Ah. Bon, nous sommes deux artistes sonores. Et on a un projet artistique. Il parle oui, que moi, c'est jamais. Pas. Je vous écoute. Ah, okay. Non, il faut pas parler. C'est, ouais. On vient enregistrer un son chez vous pour faire une grande œuvre musicale qui sera ensuite rediffusée sur Radio Campus. Et du coup, on fait appel à votre imaginaire pour savoir quels sons vous remarquez dans votre quotidien, un son dans votre maison qui soit bruyant. Quand les enfants sont là. C'est ce qu'on nous dit souvent. Du coup, c'est quoi, c'est le silence quand il y a plus les enfants? Quand il y a plus les enfants. Le calme du chant d'oiseaux. Ah, ouais. Ou l'été, il y a les chants des oiseaux. Bah ça, ouais. On essaie d'éviter, on essaie de détourner la thématique. Oui. L'été, ce qui est un peu embêtant comme bruit ici, même si c'est un quartier super calme, c'est tous les... Les avions, non. Non, non, non, il n'y a pas d'avion ici presque. Les jardiniers. Ah oui, les tondeuses et tout ça. Hyper ah, fort. Ah oui, ouais. Mais, bizarrement, aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais notre idée, c'est de collecter des sons depuis l'intérieur des maisons, parce que après le projet, c'est de rediffuser sur radio. Ouais. Donc les gens, ils peuvent réécouter. Donc là, on a eu le bruit d'un bouillard, on a eu le bruit d'un aquarium. Qu'est-ce qu'on avait encore bah, des grincements des grincements des portes, des escaliers. Des cloches qui sonnent. Et puis, enregistrer ouais. La femme de ménage qui passe l'aspirateur. Ah, bon, mais voilà. Elle passe par l'aspirateur là, mais non, je pense. Que... Ouais. Ah là, si, on est en pleine installation. Entrez donc. Bonjour. Bonjour madame. Bon, ils vont enregistrer le bruit d'aspirateur, madame. Vous pouvez laisser allumer. Ah oui. Oui, on est intéressé au bruit. Ah oui. Ouais, allez-moi. Ce sont des artistes. Silencieux, hein. Enfin, t'es sûr que c'est pas bien à l'avant qu'on entend là? Ouais, il y a différents sons. Oui, oui, là, il y a aussi là, mais il y a plusieurs. Pendant l'été 2018, nous avons parcouru le quartier du Chant des Oiseaux à Bruxelles pour glaner des sons chez les habitants. Avec ces sons domestiques collectés, nous avons réalisé une œuvre musicale qui nous avons réintroduit ensuite dans les foyers par le biais d'ondes radio. Oui. On enregistre. On enregistre. On récolte. D'accord. Vous pensez jamais en son quand, ou on sent que ça vous dérange quand vous êtes... Ce qui me dérange, c'est les sons extérieurs. Comme... Ici, c'est très calme, à part l'avion. Ouais. Mais c'est la première fois, mais normalement, il y a tout le temps des bruits. Ah oui. Bon? Pourtant, bon, on n'est pas dans la rue, on est dans une rue un peu isolée quand même. Oui, mais ici, il fait calme maintenant parce qu'il n'y a pas de voiture. Mais vous assure que... Bon, mais... Ah, le facteur qui arrive, c'est ça? Ouais, par exemple, oui, ça c'est... Parce que le facteur, il met les lettres là. Comme ah, ça, mais attendez, viens. Oui, c'est vrai, le matin, essayez facteur. De trouver la musicalité dedans. Un son que voilà que vous avez remarqué qui est dans votre maison, que vous faites, que vous activez des fois, auquel vous pensez assez rapidement. Je sais pas, ça c'est peut-être ça. Alors on peut la faire, le même son, hein. Ça, ou... en fait c'est assez tranquille, donc je sais pas. J'essaie de penser à quelque chose. À l'extérieur aussi. Franchement, je sais pas. Ce serait ma fille qui nous réveille, mais elle est pas là. Elle est à l'école. Donc, je sais pas. Par ça. C'est... Alors, il y en a qui. Par exemple, la madame là en face, elle nous a fait entendre bon, vous avez pas. Bah, le bruit de la. De la boîte aux lettres, de le facteur, il arrive le matin. Ah oui, donc, c'est ça, c'est on sent qu'il entend. Mais ça, vous avez déjà. Ça, on l'a, oui. Oui, ouais, ça fait bien. Il y a un monsieur qui l'a enlevé en escalier en bois comme le vôtre. On sait que quand il monte, ça grince pas mal. Donc, c'est aussi. Même un bruit très, très fin. Hein, très, fin parce que ça permet d'amplifier beaucoup. Parce que dans le jardin, vous avez pensé à un truc dans le jardin? Dans le jardin? Ouais. Parce que quoi, vous avez dit à l'extérieur. Il n'y a jamais rien dans le jardin, en fait. On n'a pas de bruit. On va prendre la cloche chien. C'est pas très imaginatif, je sais. Mais après, c'est sûr que... je veux dire, ce ne sera pas le même son que celle d'avant. Non, mais sûrement, oui. Ça oui. pourrait faire. Ouais. Par contre, est-ce que vous pouvez l'activer? Oui. J'y vais? Oui, vas-y. Un son de votre quotidien? Oui, caractéristique qui vous touche ou vous dérange, comme ça, dans tous les jours. Ah, c'est le son de mon chat qui ronronne. Ah oui. C'est bien. Vous savez faire ronronner votre chat? Oh non. Ah oui. Ça non, hein. Faut pas trop demander. Ah oui, oui. Mais ça, j'aime bien. Ah oui. Ah oui, je comprends. Est-ce qu'on pourrait essayer vous avez 2 minutes là maintenant? Non, maintenant, j'ai vraiment pas le temps. Ah oui, vous n'avez pas le temps. Ben, vous trouvez un chat qui ronronne, hein. Ah non, mais c'est le principe, c'est vous qui activez le son. Ah, c'est le mien. Ouais, parce que maintenant, un chat, ça... C'est difficile à le commander. C'est pas facile, un chat, hein. C'est ça. C'est non, d'ailleurs, mon chat, je sais même pas où il est passé. Là, il est pas là. Ah, il est même pas là. Et c'est pour ça que voilà, on est passé aussi ici pour savoir si vous avez un son de l'intérieur de votre pharmacie qui est particulier à cet espace, que vous voulez nous partager ou que vous voulez nous déclencher pour que l'on enregistre. C'est super, c'est presque un instrument de musique. Hein. C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est l'agitateur magnétique. Pas mal ce grincement. Ouais, ouais. Je pense tout de suite à ça parce que pour l'autre chose, pour trouver. Ça vous le remarquez chaque fois que vous rentrez chez vous? Ah oui, oui, oui. Ah oui. Comme ça, je sais que ma femme sort le pas. Ah bah voilà. Bon, on va l'enregistrer alors. Après, voilà, vous pouvez le moduler. Hein. Moduler le son, c'est le faire varier selon si vous allez plus lentement. Amusez-vous pas. Vous l'entendez souvent? Ouais. Bah, dès qu'il y a du vent, il y a hein, beaucoup de vent. Ouais. Ouais, c'est chouette. Voilà, ah, c'est un joli mobile. Vous l'avez trouvé à Rakira, en Colombie. Ok. Ah oui, c'est bien. Ouais. Il était quoi? Ça a été fait là-bas? C'était des ouais. artisans? Ouais, ouais, c'est d'artisanat ouais. céramique connu ouais. en Colombie. Et ouais. Il est là depuis 10 ans, je crois. Ah oui, il est très joli. Ouais. Rakira. Il chante. Il chante. Et vous pouvez le faire chanter sur commande. Oui. Ah oui. Faut que je prenne une musique. Alors il chante. Alors là, il est midi, hein, je crois. Il chante pas sur les cloches. Parfois, oui, mais il chante moins bien que sur la chanson. C'est trop bien. Alors je marque un hein. Chant. C'est plus chant d'oiseau, c'est chant de chien. Ah voilà, comme quoi. Je peux juste rentrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Oui, rentrez. Parce qu'il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Sûr, il dit, faut que tu écoutes. Magnifique, merci beaucoup. Il s'appelle comment le chien? Il s'appelle Indy. Indy, merci Indy. Ça marche bien. C'est hein trop bien. C'est super. Elle a des chansons préférées ou pas? Ça, c'est toujours celle-là. Ah oui. Celle-là, il chante toujours. C'est quoi? Petit biscuit. Ah. Petit biscuit. Il chante toujours sur Petit biscuit. Ah oui. Voilà, et il chante. Ouais, là, donc, comme elle, là. Indy, vous l'écrivez comment? Indy avec Y. I-N-D-Y. Ouais. bruit tout à fait classique. Hein, vous voulez enregistrer ma machine à café, ouais, ou mon lave-vaisselle, ou je sais pas. Vous voulez enregistrer l'aquarium du, oh oui, de mon fiston. Oui, oui, ça c'est vous. Mais c'est ici, en fait. Ah oui. Bon. Ah voilà. Le voilà. Ah oui, ça c'est parfait. Donc de tous ces travaux, c'est lequel le bruit le plus... Un bruit de ton plus quotidien. Caractéristique. Ouais, ouais. La visseuse. La visseuse. Ah non. Mais ça vous l'avez déjà. On vient de la voir, il y a un monsieur... C'est une Bosch... C'est pas ton autre visseuse. Hein. Bosch GSR. Qu'est-ce que j'ai comme beau bruit. Je viens de démonter ça, mais... Ça c'est quoi? Ah, c'était pour monter en hauteur. Ça enlève plaque. Ah oui, ouais. Mais ça ne fait que wick, wick, wick, wick. Ah, ouais, mais c'est vrai que c'est comme... Ça fait un peu aux oiseaux. C'est pas loin, c'est pas loin. Si tu fais juste la manivelle, la partage... Non, il faut quand même... Mais là, je peux le mettre, hein, il n'y a pas de souci. Oh, bah, vous... C'est faire en 30 secondes. Ou on peut juste essayer... Est-ce que juste, tu peux pas... Juste le truc qui monte. Juste le truc qui monte. C'est le petit répertoire des sons. Je vais vous demander ce que c'est d'ailleurs comme son. C'est un lève-plaque. Ah, c'est un lève-plaque. Un lève-plaque. Le son du lève-plaque. Je n'ai pas d'autre nom. Ok. Non, sinon, j'ai les bruits de la râpe, le bruit de. Ah, vous voulez nous faire un peu. Nous, on est preneurs, hein. Que ça, c'est un autre modèle, c'est quoi? Metabo. Metabo. Comme ça, on a deux. LTX. J'aime bien le petit signal un peu là. Ah oui, la verte. Ça fait des trucs marrants aussi. Ça, c'est un coupe-tube. Coupe-tube. Coupe-tube. Le coupe-tube, moi, je connaissais pas. C'est pour le PVC ? Oui, ça marche okay. Très bien. Pour couper en tournant. Mais il ne va pas y avoir votre visage ni... J'espère bien, parce que là, je ne suis pas photogénique du tout. Mais il y a juste l'audio, hein. On peut vous prendre le quoi que vous faites. Pas la figure, surtout. Pas non, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image, ouais. Non, allez. Attendez, on attend que la voiture passe. Mais c'est chouette, ça. Mais bon, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire, là? Attendez. Excellent. Baisse encore un peu. Comme un criquet. C'est comme au chant des oiseaux paradisiaques. Je sais pas. Non, on n'est pas. Les oiseaux paradisiaques font un peu incroyable. Non, je sais pas. Ça vient d'où ce vous... J'en sais rien. C'est, excusez-moi, mais. Non. Pourtant, allez, mais... tu viens là. Ah oui, c'est un peu ça. Ah oui. Vous n'allez pas le faire, moi. Mais j'étais fou. Allez, bon. Excusez-moi, non, mais. Non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Bon, alors on va prendre celui-là. Alors, vous l'appelez comment ce son? Le son de la bouche. Oh, ben le... Oui, hein, c'est bien. Ou un quick-quick, comme vous voulez. Un quick-quick. Quick-quick. Quick-quick de la bouche. Ouais. Vous appelez comment? Carmen. Madame Carmen. collecter des sons chez les habitants de tout le quartier du Chant des Oiseaux. Des sons. Des sons. Des bruits de votre quotidien. Des bruits de la maison. Un seul, en fait. Un seul. Le chien. On l'a déjà, voilà. Bon, bah, peut-être on peut l'enregistrer depuis juste... Un instant, hein. Ouais. Il est pas méchant. Ah oui. Salut. Nous avons été cambriolés. Ah, oui. Et la porte était neuve, hein. Ah, oui. Et depuis lors, elle grince, quoi. Ah oui. Peut-être encore une fois. Oui. Je vais recommencer à marcher. Ou je recommence tout. Ah oui, ah, oui. C'est peut-être là. Ah oui, attendez, je me mets juste là. Peut-être par ici. Oui, oui. Allez, je vais tout fermer. Je vais recommencer tout le mouvement. Hein. Je vais pas vous écraser. Hein. Quand tu pars en vacances et que tu reviens, quel est le son que tu dis ah, le silence. Mais et est-ce qu'il y a un son qui te coupe le silence? Quand tu aimes bien le silence, qu'il y a un son qui vient et te dérange dans ce silence, un son particulier? La bouillarde. La bouillarde, c'est ça. Ah oui. Alors on va faire partie de la bouillarde. Vous voulez? Oui. Ça fait comme... Ouais, ça fait vraiment du bruit. Mais alors tu peux pas parler, hein. Thank you. C'était Porte à Porte Sonore, des sons collectés dans les maisons. Un projet radiophonique, documentaire et musical de Jonathan Fleggeri et Maxime Lacombe. Réalisé en 2018 dans le quartier du Champ d'Oiseau, dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre, à Bruxelles. Dans le cadre du projet Quartier Imaginaire numéro 3 de BNA BBOT. Avec le soutien du Brussels Fonds de la Vlaams Gemeenschap, du GC Contact et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous tenons à remercier les habitants du quartier du Champ d'Oiseau, et particulièrement Charlotte et Philippe, Héloïse Génard et Indy, Monsieur Langor, Pascal Fameret, Patrick Atherton, Madame Prince, Véronique Piret, Madame Carmen, Doren Daron, Madame Dervuren, Fabrizio et Maria, Monsieur Kuhl, Chantal Lallemand, Madame Peng, Madame Mal, Monsieur Razvan, Roxane et Arto, Monsieur Simard, Famille van der Helst, Madame Verle et Monsieur Zibetta. Hello, this is a show from Radio. We are a group of stations bringing new and forgotten way of making radio to our listeners. Each week, we give artists the challenge to make radio across Europe and beyond.